Ils répondirent : Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui l'apportera, et j'en suis garant.